ils aiment pas la vérité. Ils aiment pas la vérité parce que ça fait mal. J'oubliais toutes les couleurs. T'as ses joies et ses douleurs, mais lors de moi, y a du nouvel arrivage. Ouais, pas tout droit, j'm'arrête à Vival. Ok, petite vermine veut tout voir. Et termine pour le pouvoir. Ok, dans la vie ça va vite, entoure-toi de bon frère. Ta copine je l'invite, au télé boire un verre. Regarde, tu connais là-bas, as, faut couper tes kits dans la carte. La plupart du game ils sont nas, mais je vais pas citer des blas. As, oh, calmez-vous, ta rue j'ai vite fait le tour. Photo reste cool, on va te casser le cou. Ils font les fous, à voir si court. Derrière ils parlent beaucoup, devant nous un autre discours. Et ils aiment pas la vérité. Ils aiment pas la vérité parce qu'elle fait mal. J'oubliais toutes les couleurs. T'as ses joies et ses douleurs, mais lors de moi, y a du nouvel arrivage. Ouais, pas tout droit, j'm'arrête à Vival. Ok, petite vermine veut tout voir. Et termine pour le pouvoir. Ok, et ils aiment pas la vérité.